إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de la risala du Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab au sujet de Tawhid al-Ibada avec l'explication du Cheikh Mohamed Bazboul Hafizahullah. Et donc on était en train d'énumérer différentes formes de shirk, différentes formes de shirk dans l'adoration. Et donc on avait expliqué différentes choses au sujet de At-tawakkul et yani des autres exemples d'adoration qui doivent être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-khawf et ibtigha al-rizq, de chercher le risque, ainsi de suite. Et le shirk, il mentionne d'autres exemples de shirk aussi. Ça, c'est pour faire comprendre que le shirk, c'est vraiment, disons, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre plusieurs formes, mais ça peut se manifester de différentes façons. Et autant de formes, autant il existe de formes d'adoration, autant il existe de formes de shirk. Puisque le shirk, c'est, comme on a expliqué, d'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala une forme, offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Donc peu importe à la chose que tu, à laquelle tu offres de l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a expliqué les différents exemples, que ce soit n'importe quelle créature, c'est pas nécessaire que ce soit une idole. Hein, il y en a qui pensent que le shirk, c'est juste quand quelqu'un adore une idole ou une statue sculptée avec la forme d'un corps humain ou animal. Et ils pensent qu'en dehors de ça, il n'y a pas de shirk. Donc s'ils prennent comme intermédiaire entre eux et Allah un homme pieux ou un prophète, il pense que ça, c'est pas la même chose que le shirk des mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre les deux. Puisque le shirk, comme on l'a défini, c'est d'offrir à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration, que ce soit une idole, une statue ou un être humain, vivant ou mort, et qu'on lui offre des actes d'adoration. Donc, le shirk, il énumère différentes choses qui sont des manifestations de shirk ou sont des formes de shirk. Et il dit: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل الشرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن من استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان بحاجة بما يمنع حصولها وهذه حالة كل مشرك والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. Donc le cheikh il explique que parmi les différentes formes de shirk, il y a également le fait de chercher nos besoins et de demander des choses aux morts, de demander des choses aux morts et de les appeler au secours lorsqu'on a des moments de détresse ou lorsqu'on a des besoins. Et qu'est-ce que le cheikh dit quand il parle de ça? C'est des choses qui sont courantes parfois chez les musulmans, c'est-à-dire dans les pays musulmans, on retrouve des gens qui appellent au secours des créatures au lieu d'appeler le créateur. Comme par exemple, ils vont appeler « Ya Abdel Qadir al-Jilani » ou « Ya Ahmed al-Tijani » ou bien « Ya Rifa'i » ou bien des choses de ce genre. Ils invoquent les noms des soi-disant awliya ou des mashaykh, des soufiyin ou bien des turuq qu'ils considèrent comme étant des intermédiaires ou des intercesseurs ou bien, comme on a dit hier, des qutub. Hein, ils pensent qu'ils ont un contrôle, ils sont capables de leur venir en aide. Certains même parmi eux, ils racontent des sortes de superstitions ou des fausses histoires. Ils disent que lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose, il invoque le wali, et le wali, il sort de sa tombe, il vient répondre aux besoins de cette personne, puis il retourne dans sa tombe par la suite. Hein, ça, on entend des histoires comme ça de la part des soufis dans leurs livres, on lit ça, puis ils le racontent également dans leurs histoires. Donc tout ça, c'est bien entendu des mensonges. Des fois, même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre, Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, la distinction entre les alliés de Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, et les alliés du diable, du shaitan, c'est parce que parfois qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un shaitan, un djinn shaitan qui prend l'apparence du shaykh en question, puis qui vient apparaître à la personne, hein, et lui fait croire que il est ce cheikh, et il lui répond par exemple à sa demande, ou il fait quelque chose pour lui. La personne pense que c'est le cheikh qui est venu réellement lui répondre, alors qu'en réalité c'est le shaitan qui veut juste le tromper et le faire tomber dans l'égarement. Et Cheikh al-Islam, il mentionne également des exemples de personnes qui sont allées à une tombe pour demander à un mort quelque chose, puis ils entendent une voix qui leur parle de la tombe, et ils s'imaginent que c'est la voix de ce cheikh, ainsi de suite, alors que c'est un shaitan, un djinn, qui est dans cette tombe et qui leur adresse des paroles pour leur faire croire que ce qu'ils font comme shirk, c'est quelque chose de correct. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont mentionnés, et c'est pour cette raison-là que c'est important de connaître bien comme il faut le tawhid, pour savoir que la limite entre le tawhid et le shirk, c'est très important d'être capable de distinguer entre les deux. Et le fait de voir des apparitions comme ça, c'est pas quelque chose qui justifie le fait d'invoquer des morts ou des autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et même que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre, il mentionne même que certains de ses élèves ont même mentionné qu'ils l'ont vu lui-même apparaître à eux dans certaines occasions, et il les mettait en garde, donc il leur disait que c'était pas lui, tu vois. Donc c'est des exemples comme ça qui sont mentionnés des fois de la part de Cheikh al-Islam, qui expliquent les ruses du shaitan parfois, comment il essaie d'égarer les hommes. Et donc surtout que si tu vois quelqu'un comme ça qui est considéré ou qui est connu comme étant quelqu'un qui est sur la sunna ou qui appelle au tawhid et qui appelle à l'islam, puis par la suite il vient et il apparaît, puis il appelle à faire des choses contraires à l'islam, contraires au tawhid, alors c'est des indications que c'est quelque chose à rejeter. En particulier les soufis qui prétendent parfois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, nous on voit le prophète, soit dans les rêves ou bien soit en état d'éveil. Même certains parmi les soufis, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient leur parler en plein jour, en plein éveil, pendant qu'ils sont réveillés, pour leur révéler ou leur dire des choses nouvelles sur l'islam, que ce sont des choses qui sont parfois même contraires à ce qui est dans le Coran et contraires à ce qui est dans la Sunna. Donc, c'est certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si quelqu'un me voit dans un rêve, alors il m'a vraiment vu parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au shaitan de prendre mon image ou mon apparence dans un rêve. » Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Toutefois, les ulama des salaf, ils disaient tout le temps décris-moi qui tu as vu. Hein, quand quelqu'un prétendait avoir vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demandait « Décris-moi qui tu as vu pour savoir sa description physique, pour voir si la description, elle était en accord avec la description qui avait été donnée par les sahabas dans les hadiths. Hein, et s'il voyait que la description que la personne donnait du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en contradiction avec la description qui est mentionnée dans les hadiths des sahaba, alors il rejetait, il disait tu ne l'as pas vu. Il disait à ces gens-là, tu ne l'as pas vu, hein, tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui que tu as décrit, ce n'est pas celui qui est mentionné ou qui est décrit dans les hadiths. Hein. Donc c'est sûr que le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutefois, il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tromper les gens. Donc beaucoup de gens parfois ils ignorent ça et ils s'imaginent que depuis que quelqu'un dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est vrai. Hein? En ce qui concerne bien entendu le fait que quelqu'un dit qu'il l'a vu en état d'éveil, alors ça bien entendu c'est quelque chose d'impossible. Hein, puisque le mort ne revient pas à la vie, hein, excepté au jour de la résurrection. Hein. Et il y a une chose aussi qui est, si il voit quelqu'un ou quelque chose et il prétend que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis après il ramène des nouvelles choses ou il contredit des choses qui sont dans le Coran et dans la Sunna authentique, alors là c'est clair que c'est des mensonges et que c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là. Donc tout ça c'est pour expliquer que le fait de demander à des morts et de chercher le secours des morts, tout ça c'est de se tourner vers autre que Allah, et c'est ça la base du shirk qui est apparu dans ce monde. Parce que lorsque le mort, la personne est décédée, alors toutes ses œuvres s'arrêtent. Il ne peut plus rien faire pour personne, ni même pour lui-même. Donc s'il ne peut rien faire pour lui-même, ni nuire, ni profiter à lui-même, comment pourrait-il nuire ou profiter à quelqu'un d'autre? Hein? Et il y a dans certaines cultures, ou dans certains pays, ou dans certaines traditions, dans les pays asiatiques par exemple, le culte des morts, lorsque quelqu'un est mort, par exemple le mari ou un enfant ou une femme ou des choses comme ça, eh bien ils accrochent dans une pièce de la maison la photo de cette personne, et puis ils vont mettre devant de l'encens, pour honorer cette personne. Puis en même temps des fois ça devient même du shirk, parce qu'ils les invoquent, ils leur offrent des prières, et de prier aux morts et croire que leur esprit vient nous visiter ou des choses comme ça, ça aussi ça rentre dans les formes de shirk. Et même parmi les chrétiens parfois il y en a qui croient en ces choses là et même dans ma famille il y a des gens, je me rappelle, qui disaient à propos des personnes qui étaient mortes dans la famille, ils sont là, ils sont présents, ils viennent nous voir, je le sais qu'ils nous entendent et des choses de ce genre. Alors ça bien entendu c'est faux et c'est des choses contraires à notre aqida. Et le fait de parfois ils leur offrent des prières, ils leur demandent de les protéger et des choses de ce genre, et ça aussi ça rentre dans le shirk majeur. Donc, lorsqu'une personne est morte, tout ce qu'elle a fait, comme action s'est annulée. Et c'est, pas s'est annulée, mais c'est arrêté. Elle ne peut plus rien faire comme action. Et elle n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour elle-même, soit de nuire ou de profiter. Alors encore moins de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et en particulier de faire quelque chose pour la personne qui demande ou qui appelle au secours cette personne pour régler un problème quelconque, ou qui demande à cette personne l'intercession, son intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que le fait de demander à un mort son intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de l'ignorance au sujet de l'intercession de la personne auprès de laquelle on intercède. Et ça fait partie également de l'ignorance yani, au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui auprès de qui on veut intercéder. Et il dit, personne n'est capable d'intercéder auprès d'Allah excepté avec sa permission. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de demander ou d'appeler au secours quelqu'un, c'est pas une cause qui amène à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne sa permission pour cette personne-là. La seule chose qui peut faire en sorte que Allah donne la permission pour que les hommes pieux ou les prophètes intercèdent pour eux au jour de la résurrection, c'est de parfaire notre tawhid. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va uniquement donner aux hommes pieux et aux prophètes et aux hommes pieux la permission d'intercéder pour les gens qui ont parfait leur tawhid et qui ont été des musulmans et qui ont pas commis de shirk. Donc le cheikh il dit, donc cet individu-là qui appelle au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui demande à des morts l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il demande aux morts pour que ces morts intercèdent pour eux auprès d'Allah, eh bien en faisant ça, c'est comme s'ils se sont empêchés ou interdits pour eux-mêmes la seule cause qui pouvait en fait leur faire obtenir la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette intercession-là. Donc c'est comme si en réalité ils cherchaient à s'aider par un moyen pour obtenir un besoin, et ce moyen-là qu'ils utilisent, eh bien c'est la cause qui fait en sorte qu'ils ne pourront pas du tout l'obtenir ce qu'ils veulent, puisque yani, c'est la seule chose qui fait en sorte que justement ils ne pourront pas l'obtenir, c'est-à-dire parce qu'ils ont commis le shirk en demandant à autre que Allah l'intercession. Et les versets dans le Coran au sujet de l'intercession sont nombreux, et ces versets-là mentionne que parmi les conditions pour que Allah intercède ou Allah accepte l'intercession des intercesseurs pour en faveur d'un individu, parmi les intercessions, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est permis que cette personne-là intercède et que cette personne-là soit agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala et est voulu qu'on intercède pour elle parce que elle fait partie des gens du tawhid. Illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Comme il mentionne dans le Coran, et Allah mentionne que l'intercession est à lui tout entière. Donc celui qui veut l'intercession des intercesseurs, il ne doit pas la demander des morts ou des intercesseurs eux-mêmes qui sont morts, mais plutôt demander à Allah directement pour que yani, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le fait que justement on puisse intercéder pour eux au jour de la résurrection. Le cheikh il dit wal mayt muhtaj ila man yad'u lah. Donc en réalité c'est pas aux morts qu'on doit demander quoi que ce soit. Plutôt, c'est que les morts ont besoin de nos doigts à nous en leur faveur. C'est-à-dire, les morts ont besoin qu'on invoque Allah pour eux. Les morts ont besoin qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Donc on doit, au lieu de demander aux morts quoi que ce soit, on devrait plutôt demander à Allah de faire miséricorde à ces morts, hein, et de pardonner à ces morts-là, hein. Et c'est pour cette raison-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que lorsqu'on va visiter les tombes et les cimetières musulmans, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde pour les morts et de leur demander le pardon et la clémence. Donc tout ça c'est des exemples qui montrent que parfois certains musulmans ont inversé les choses et au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse miséricorde aux morts, ils demandent aux morts des choses alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les exaucer, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Donc ça c'est très important. Et le cheikh dit fa'aksul mushrikoun hada wa zaruhum ziyarat al-ibada wa istiqda' al-hawa'ij والاستغاثة بهم وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد وسموا قصدها حجا واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعادة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. Donc le cheikh il dit, comme on a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsqu'on va visiter les tombes, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse miséricorde pour ces gens-là, pour qu'Allah leur pardonne leurs péchés, les gens qui sont morts. Ils ont besoin qu'on fasse des doigts pour eux, pas qu'on fasse des doigts à eux, d'accord. Mais ça c'est le contraire de ce que font les mouchriquines, hein, aujourd'hui lorsqu'ils visitent les tombes. Au lieu d'invoquer pour la miséricorde d'Allah pour eux et le pardon d'Allah pour eux, ils demandent aux morts directement des choses. Ils demandent aux morts de les exaucer ou de leur donner quelque chose dans la dunya ou des choses de ce genre. Donc ils les visitent, ils visitent les tombes et les cimetières d'une visite qui est une adoration pour les morts, hein, et demander des besoins aux morts. Et c'est pour ça que les ulama ils ont classifié la visite des tombes en deux catégories: al-ziyara al-shar'iyya ou al-ziyara al-shirkiyya, hein, la visite des tombes qui est en accord avec la sharia, qui fait partie de l'islam, et la visite des tombes qui est shirkiya, qui rentre dans le shirk, parce que au lieu d'invoquer pour eux et de se rappeler de la mort, au lieu de ça, on prend ces êtres-là et ces morts-là comme des objets d'adoration, puis on leur demande en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parfois quand on parle de la visite des tombes à des gens, les gens de Bid'a qui appellent au shirk, ils disent: ah, ces gens-là, ce sont des wahhabiyas, ce sont des wahhabiyas, ils veulent interdire la visite des tombes et des salihin, ils n'aiment pas les hommes pieux, et ainsi de suite. Et ils interdisent de visiter les tombes. On n'interdit pas de visiter les tombes, hein, quand c'est en accord avec la charia et quand c'est fait de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a permis de le faire. Mais si c'est fait de la façon qui est contraire à la charia, et si c'est fait avec du shirk, alors dans ce cas-là, on l'interdit, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Le professeur Hassan m'a dit: au début je vous avais interdit de visiter les cimetières, mais aujourd'hui je vous permets de le faire, visitez-les, parce que ça va vous rappeler de l'au-delà. Ça vous rappelle de l'au-delà parce que vous voyez la mort devant vous. Donc au début les musulmans étaient nouveaux, hein, dans l'islam, ils avaient peut-être certaines idées qui restaient de la jahiliya. Donc au début, on leur interdisait d'aller au cimetière. Par la suite, le tawhid est rentré dans leur cœur, ils ont compris l'islam bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: maintenant allez-y, visitez les cimetières, mais pour réfléchir sur l'au-delà, pour vous rappeler de la mort, pour savoir que vous aussi vous allez rejoindre ces morts-là. Et donc ça vous incite à vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus, hein. Et ça, c'est important de se rappeler de la mort, parce qu'on oublie la mort et on essaie de parfois même de pas y penser. Donc le fait de visiter les tombes, ça nous rappelle la mort. Donc ça, c'est la visite qui est en accord avec la charia, hein. Et c'est pas vrai donc de prétendre que les wahhabiyas, ceux qui suivent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou ceux qui lisent les livres du cheikh, ou qui prennent leur science des livres qu'il a écrits, et ils interdisent le fait d'aller visiter les cimetières. Non, mais il y a des différences entre le fait de les visiter d'une manière qui est en accord avec l'islam et la charia, et de le visiter d'une manière qui est en contradiction avec l'islam et la charia. Donc, ceux qui vont là-bas, qui les visitent pour les adorer, ils visitent les morts pour les adorer et pour leur demander des biens ou pour les appeler au secours, qui font de leur tombe des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, hein, et parfois même, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, ils vont aller là-bas et ils vont aller parfois faire des longs voyages pour arriver là-bas, hein. Parfois ce sont des genres de pèlerinages qu'ils organisent, hein, pour aller là-bas. Et c'est des voyages de plusieurs jours, hein, qu'ils font, parfois dans les montagnes ou dans différents endroits qui sont éloignés, pour arriver là-bas. Et ça, on sait que c'est contraire à l'islam de faire des voyages pour aller visiter ces choses-là. Hein, déjà, c'est du shirk qui se passe là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit même de faire des voyages pour visiter autre que les trois mosquées sacrées, c'est-à-dire les trois mosquées comme celle qui est à la Mecque, Masjid al-Haram, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée al-Aqsa. Ça, c'est les trois mosquées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis, hein, qu'on aille visiter et de faire des voyages dans le but d'aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces endroits-là. Mais d'aller faire des voyages pour visiter d'autres lieux pour faire des adorations en dehors de ces trois mosquées-là, alors ça, c'est pas permis. Et encore plus si c'est dans l'intention d'aller faire du shirk et d'aller adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ils ont fait également du fait de se tenir debout devant ces tombes-là et de se raser la tête, hein, auprès de ces tombes, ou bien des choses de ce genre. Ça, tout ça, ça fait partie des exemples de shirk qui sont pratiqués autour de ces endroits. Et il dit donc que ces gens-là, ils ont réuni plusieurs formes de contradiction avec l'islam en agissant de cette manière. Ils ont réuni premièrement le fait de faire le shirk yani avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont ramené également des changements dans sa religion, parce que ça c'est de déformer l'islam de faire ces choses-là. Et ils ont également ramené comme opposition à l'islam le fait de prendre en animosité et d'opposer les gens qui sont sur le tawhid et qui appellent au tawhid, et de dire à leur sujet qu'ils veulent dénigrer et rabaisser les morts, qu'ils n'ont pas de respect pour les hommes pieux et les saints. Donc, qu'est-ce qu'ils disent à propos des gens qui sont sur le tawhid et qui suivent la sunna? Ils disent, ah, vous n'avez pas de respect pour les awliya, vous n'avez pas de respect pour les asiyad, vous n'avez pas de respect pour les salihin. Et nous, on leur dit, non, c'est pas vrai. On aime les salihin et on aime les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, salihin. Toutefois, on fait la distinction entre awliya ar-Rahman et awliya ash-Shaytan, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, en même temps, on les prend pas comme des dieux, mais on les élève pas. C'est-à-dire, on les aime, mais on va pas exagérer dans l'amour qu'on a pour eux au point de les élever à un degré plus haut que des êtres humains et commencer à les adorer comme les chrétiens, qui ont pris le prophète Isa ibn Maryam et qui l'ont tellement exagéré, ils ont tellement aimé Isa, qu'ils l'ont élevé à un niveau de divinité, à un niveau de Dieu. Et ils sont donc tombés dans le shirk à cause de ça. Donc, c'est pas parce qu'on les adore pas qu'on les respecte pas. C'est la même chose pour les Shia Rafida, par exemple, qui disent qu'ils aiment Ahlul Bayt. Et ils pensent que les gens d'Ahlul Sunna ne les aiment pas. À cause du fait que nous, on dit, on doit pas les adorer en dehors d'Allah. On les aime, mais on ne doit pas les adorer en dehors d'Allah. Ce sont des êtres humains, et ce sont des gens qu'on doit respecter, qu'on doit aimer. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit aller à leur tombe et les prendre comme des égaux avec Allah? Ça, c'est shirk. Donc, il faut faire la distinction entre le fait d'aimer les gens du bien et d'aimer les hommes pieux et les salihin, et le fait de les prendre comme des intermédiaires ou des intercesseurs entre eux et Allah, entre nous et Allah, ça c'est de dépasser la limite et d'exagérer dans l'amour et de tomber, ça fait tomber les gens dans le shirk. Donc ça fait partie des contradictions qu'ils ont réunies. Ensuite de ça, ils ont également ramené comme si le fait qu'ils disent nous on rabaisse les hommes pieux, ils disent qu'on les dénigre, alors que eux ils ont dénigré Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, en faisant le shirk avec lui. Puisque quand quelqu'un fait le shirk avec Allah, il rabaisse Allah, il diminue Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si il manque de respect au créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et wa awliya'ahu al-muwahhidin alladhina lahu الموحدين له الذين لم يشركوا به. Donc ils ont également manqué de respect envers les awliya al-muwahhidin, ceux qui sont sur le tawhid et qui appellent à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et bien ils ont également ramené le manque de respect envers eux. De quelle manière? Dans le fait qu'ils les ont blâmés, ils les ont détestés, ils se sont opposés à eux, en les blâmant et en disant d'eux qu'ils opposent les gens, ils opposent les hommes pieux et ils leur manquent de respect. Donc ils ont considéré ça comme étant un blâme et ils les ont blâmés pour avoir respecté Allah subhanahu wa ta'ala et pour ne pas avoir commis le shirk avec eux. وتنقصوا من اشركوا به غايه التنقص. يعني ils ont même manqué de respect envers ceux avec qui ils ont fait le shirk avec Allah, c'est-à-dire les morts qui sont dans leur tombe et les salihin qui sont dans leur tombe. Quand ces gens-là viennent leur adresser des prières et quand ils viennent les adorer en dehors d'Allah, et ben en faisant ça ils les insultent et ils les rabaissent également, puisque ils font quelque chose que eux-mêmes ont interdit souvent et qu'ils n'agréent pas, ils ne sont pas satisfaits de ça, comme par exemple Isa ibn Maryam, ça c'est le meilleur exemple. Est-ce que Isa est satisfait quand des gens viennent lui demander en dehors d'Allah, ou quand il lui offre des prières, ou quand il l'adore? Au contraire, il déteste qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire. Isa ibn Maryam, hein, alayhi salam, il déteste ce que les chrétiens font avec lui. Il n'est pas satisfait de ça. Et même qu'au jour de la résurrection, il va se désavouer des chrétiens qui l'adoraient en dehors d'Allah. Et Allah va lui demander, est-ce que c'est toi qui as demandé aux gens de t'adorer en dehors d'Allah? Est-ce que c'est toi qui disais aux gens de te prier, que les gens doivent te prier et t'adorer et te prendre comme un Dieu? Il va dire, j'ai jamais dit ça à personne. C'est pas moi qui ai dit ça. Sauf que les gens après lui ont fait ça d'eux-mêmes. Et ils ont suivi leur passion, ils se sont égarés à ce sujet-là. Et la même chose de beaucoup d'autres parmi les hommes pieux aujourd'hui, que certains parmi les égarés adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les soufis, si tu regardes leur biographie et si tu regardes leurs enseignements, ils n'ont jamais demandé aux gens qu'on les adore, hein? Ils n'ont jamais dit aux gens, par exemple, venez adorer moi. Mais c'est les gens qui ont exagéré avec eux après leur mort et qui ont raconté des histoires à leur sujet qui sont même des fois exagérées et mensongères, pour que les gens croient par la suite que ce sont des êtres, hein, surnaturels qui ont des pouvoirs, puis par la suite ils les prennent comme des divinités et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils leur demandent la guérison ou d'autres choses. Comme par exemple, un des exemples de ça, c'est comme par exemple le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, hein, rahimahullah, c'était un grand savant de l'islam, hein, et un homme pieux, hein, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les soufis, ils ont tellement raconté des histoires à son sujet, ils ont tellement exagéré avec lui, qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après sa mort, ils ont fait des dômes sur sa tombe, et ils vont le visiter, et ils font des pèlerinages chez lui, et ils demandent et ils espèrent de lui toutes sortes de guérisons ou de choses qu'ils veulent. Ils lui demandent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans plein de pays musulmans, eh ben chaque endroit où il y a, par exemple, des soufis qui suivent la tariqa qadiriya, eh bien, ils lui construisent une tombe à l'endroit où ils habitent. C'est pour ça que dans plusieurs pays musulmans, tu retrouves différentes qubbas qui sont construites pour Abdul Qadir al-Jilani, alors que il est mort à un seul endroit. Il n'est pas mort à plusieurs places, mais eux, ils lui ont construit des qubbas et des dômes un peu partout dans les pays musulmans, de cette façon. Donc, ça, c'est des exemples, hein, que ces gens-là, ils n'ont jamais demandé ça. Ils n'ont jamais dit ça aux gens. Ils n'ont jamais dit, adorez-moi, venez faire le tawaf autour de ma tombe, demandez-moi des choses en dehors d'Allah. Mais c'est les gens après eux qui ont été ignorants et qui ont dévié et qui ont pris ces hommes-là comme des égaux ou comme des intermédiaires entre eux et Allah. En faisant ça, ils sont tombés dans le shirk. Et ça, c'est un manque de respect envers ces hommes pieux-là. Hein? Au lieu de leur faire du bien, ils sont en train de leur nuire. Ils sont en train de leur nuire sans le réaliser. Ils dhannu annahum raduna minhum bihada wa annahum amaruhum bihi. Parce qu'ils croient que ils sont satisfaits de ça. Ils croient que c'est eux qui leur ont ordonné de faire ça. Wa annahum yuwalunahum alayhi. Ils pensent que ils les ont pris comme alliés dans ces choses-là. Et qu'ils les supportent dans ces choses-là, alors que c'est pas le cas. Et donc le cheikh, il dit que ceux-là, ce sont les ennemis des messagers à toutes les époques. Hein, que ce sont eux les ennemis des messagers à toutes les époques. Hein, et il dit, ils sont les ennemis du tawhid et des messagers à toutes les époques et dans tous les endroits. Et comme ils sont nombreux, malheureusement, ceux qui répondent à leur shubuhat et à leurs appels. Et il mentionne donc les éloges à propos de Ibrahim. Hein, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à Ibrahim alayhi salam. Lorsque Ibrahim a fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé, ô Allah, écarte-moi ainsi que mes fils de l'adoration des idoles. Ô Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup d'hommes. Hein, elles ont égaré beaucoup d'entre les hommes. D'accord? Donc ça c'est la preuve que le shirk c'est très dangereux. Et que même l'imam des prophètes, l'imam des anbiya, yani Ibrahim alayhi salam, imam al-Hunafa, il avait peur lui-même de tomber dans le shirk pour lui-même et pour ses enfants. Et il demandait la protection d'Allah contre le fait de tomber dans l'adoration des idoles et dans l'idolâtrie. Donc le cheikh il dit, les seuls qui ont été donc sauvés du shirk majeur, c'est uniquement ceux qui ont purifié leur tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont opposés aux mushrikin pour Allah subhanahu wa ta'ala et selon les règles de la charia d'Allah et qui se sont rapprochés à Allah subhanahu wa ta'ala par cette haine qu'ils ont pour le shirk et pour les mushrikin et qui ont pris uniquement Allah subhanahu wa ta'ala comme leur allié et comme leur défenseur et leur protecteur, comme leur divinité. Hein? Donc ça c'est très important. Et comme j'explique souvent à des frères et à tous les musulmans et même aux non-musulmans, souvent quand je leur parle du shirk et du tawhid, certains parfois ils se disent non mais moi je pratique pas le shirk, donc c'est pas un problème, je fais pas de forme de shirk majeur, donc j'ai pas à craindre à ce sujet-là. Et ils s'imaginent que c'est seulement le danger, c'est seulement de ne pas pratiquer le shirk soi-même. Et un point important à ce sujet-là, c'est pour ça que le shirk il dit qu'on doit opposer les mushrikin, hein, et détester le shirk et les mushrikin. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant de se dire seulement que, par exemple, on fait pas le shirk soi-même. Parce que même si on le commet pas nous-mêmes, mais qu'on voit d'autres personnes qui le font, et qu'on est satisfait de ça, ou bien qu'on pense que c'est correct, ou bien qu'on l'accepte, eh bien, ça veut dire qu'on est complice avec eux là-dedans. Même si nous, on n'a pas pratiqué de shirk, si on voit des gens commettre le shirk, puis on est d'accord avec ce qu'ils font, et qu'on dit oui, ils ont le droit de faire ça, oui, c'est correct, alors, même si on ne l'a pas fait nous-mêmes, c'est comme si on était avec eux, et c'est comme si on l'avait fait nous-mêmes. Et dans ce cas-là, on est des mushrikoun comme eux. Même si on ne s'est pas prosterné devant une statue, ou une image, ou une croix, ou une idole, mais que tu vois des gens qui le font, puis tu dis, oui, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font? C'est correct, je suis d'accord. Ou ils ont le droit de faire ça. Hein? C'est leur religion, c'est correct. Hein? Dans ce cas-là, toi aussi, t'es un mushrik. Parce que tu les as agréés là-dedans, dans qu'est-ce qu'ils font dans le shirk. Et la même chose pour la bid'ah. Si tu vois des gens, par exemple, qui font des bid'ah dans la religion, puis tu dis, ah, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font, je suis d'accord, même si je le fais pas moi-même. Dans ce cas-là, hein, c'est comme si toi-même, t'es un mubtadi', t'es un innovateur avec eux. Parce que c'est pas seulement le fait de le faire qui est interdit, mais même d'être d'accord avec. Et de l'approuver, et de l'accepter, hein, et d'être satisfait de ça. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'on doit détester le shirk dans toutes ses manifestations, pas seulement le fait de détester de le faire soi-même, mais de détester voir les autres le faire aussi. Hein, et de combattre le shirk par les arguments, par les preuves, par la science, hein, en particulier de prouver aux gens que ce qu'ils font est faux, puis de les ramener au tawhid. Le cheikh, il donne ensuite d'autres explications, parce que ça, c'est tout ce qu'on a lu maintenant, depuis quelques pages là maintenant. C'est une longue citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc, on est toujours dans cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim, depuis presque le début de même le cours précédent, c'était... Et dans le cours numéro 6, Donc, on avait commencé à partir de la moitié du cours environ à lire une parole de Cheikh Ibn al-Qayyim. Donc, tout ce qu'on lit là depuis le début du cours, c'est la suite de cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Donc, il dit فَجَرَّدَ حُبَّهُ لِلَّهِ. Donc, il dit مَا نَجَى مِنْ شِرْكِ مَنْ شَرَكِ أو مِنْ شَرَكِ هَذَا الشِّرْكِ الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. Ensuite il dit فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته وسأل وإذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع. Donc le cheikh il termine donc cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim en mentionnant donc ces paroles là qui sont tirées de son livre Madarij al-Salikin du volume 1 de la page 344 à la page 347. Il dit donc que c'est seulement ceux qui se sont écartés du shirk akbar, ce sont uniquement ceux qui se sont purifiés dans leur tawhid, qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont détesté les mushrikin, qui se sont rapprochés à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette haine qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils ont cette haine contre le shirk et contre les mushrikin pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils se rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala par cette haine, parce que c'est une adoration de détester ces choses-là, c'est une adoration, c'est-à-dire quand tu détestes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, et Allah subhanahu wa ta'ala il aime que tu détestes ces choses-là, hein? Donc il faut aimer pour Allah et détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc si tu dis je suis un musulman, j'aime Allah mais tu détestes pas le shirk, ça veut dire que tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il peut pas y avoir de l'amour sans la haine, et il peut pas avoir de la haine sans l'amour, les deux vont ensemble, hein? Et donc c'est comme par exemple si tu dis que tu aimes le shaitan, ça veut dire que tu aimes pas Allah, hein? Et si tu dis que tu aimes Allah mais tu détestes pas le shirk ou le kufr ou le shaitan, alors ça veut dire que tu aimes pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et que tu détestes ce que Allah déteste, et que tu détestes ce que Allah a interdit. Si tu dis j'aime Allah mais tu aimes ce que Allah interdit, ou si tu dis j'aime Allah mais tu aimes ce que Allah déteste, ça veut dire que tu n'aimes pas vraiment Allah comme il faut. Il y a un problème, hein? Donc, parmi le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de détester le shirk et le kufr et les bid'ah et les péchés et tout ce qu'Allah a interdit, et de détester bien entendu les mushrikin, hein, et les kuffars, de les détester pour Allah à cause de leur kufr, à cause de leur shirk, hein? Et de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme seul protecteur, comme seule divinité, et de purifier ton amour pour Allah seul, et de faire qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ta crainte, ainsi que ton espoir, pour que tu mettes ton espoir uniquement à Allah, que tu t'humilies, que tu te soumets uniquement à Allah, que tu mettes ta confiance uniquement en Allah, que tu demandes le support et l'aide que de Allah, et que tu te tournes uniquement vers Allah pour chercher le refuge, et que tu ne demandes le secours que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu purifies ton intention uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala en suivant ses ordres et en cherchant et en demandant son agrément. Et lorsque tu demandes quelque chose, tu demandes à Allah. Et lorsque tu cherches l'aide, tu cherches l'aide d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ça veut dire c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul à qui nous demandons l'aide. Tu ne demandes pas l'aide de d'autres que Allah. Tu demandes l'aide seulement à Allah. Donc, et si tu fais une action, tu fais une action pour Allah. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme ça, c'est ça la réalité du tawhid. Et donc, le shaykh il dit, فهو لله وبالله ومع الله. فهو لله, tu es pour Allah subhanahu wa ta'ala, وبالله, ça c'est tu cherches son aide et son support, et tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, yani tu essaies de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi par la suite. Donc il dit والشرك أنواع كثيرة. Le shirk, c'est plusieurs formes, plusieurs manifestations, plusieurs différents aspects, comme on l'a expliqué. La yuhsiha illallah. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les dénombrer ou énumérer le nombre de formes de shirk qui existent. Le shirk, il y en a autant de formes, comme j'ai expliqué, qu'il y a de formes d'adoration. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les dénombrer. Et si on voulait, le Cheikh Ibn al-Qayyim dit, si on voulait commencer à énumérer toutes les différentes formes de shirk qui existent, eh bien, ça demanderait beaucoup trop de d'explications et beaucoup trop de paroles maintenant. Donc à ce moment-là qu'il rentre dans toutes les explications détaillées de tout ce qui est shirk, puisque c'est pas un petit sujet, c'est quelque chose qui est très très très vaste. Donc le cheikh il dit فإذا عرفنا, le cheikh Bazmoul il continue maintenant, il dit فإذا عرفنا حقيقة التوحيد وعرفنا حقيقة الشرك وما يقابل منه كل نوع من أنواع التوحيد وعرفنا أن الشرك على نوعين شرك أكبر وشرك أصغر وعرفنا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر وتذكرنا ما سبق من أن الكفار كانوا يعتقدون بالتوحيد الربوبية وقد قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Donc le cheikh il explique, il dit maintenant qu'on a connu, si on a bien connu la réalité du tawhid, parce qu'on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire, on a bien connu qu'est-ce que c'est la réalité du shirk, et on a expliqué les différentes réalités du shirk qui s'opposent à chacune des catégories parmi les catégories du tawhid, on a expliqué ça. Maintenant qu'on a su également qu'il y a deux formes ou deux catégories parmi les formes de shirk, il y a le shirk majeur et le shirk mineur, et on a expliqué les différences entre le shirk majeur et le shirk mineur. Donc le cheikh il explique ici, il dit, et on a mentionné déjà, comme on a expliqué dans les cours précédents au sujet des kuffars, que ils croyaient en tawhid al-rububiyya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plusieurs versets, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a assujetti le soleil et la lune, ils diront Allah. Alors, comment pouvez-vous donc vous détourner après avoir reconnu ça et par la suite continuer à adorer les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un autre verset également, Surat al-Ankabut, le verset 63, et si tu leur demandes qui a fait descendre la pluie du ciel et une eau par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait revivre la terre après sa mort, ils diront certes Allah. Dit Alhamdulillah, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas. Le verset 25 dans Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dit Alhamdulillah, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas. Et dans le verset 38 dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dit, voyez-vous si, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal quelconque, est-ce que ces choses que vous invoquez en dehors d'Allah pourront enlever ce mal? Et si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour moi une miséricorde, est-ce que ce que vous adorez en dehors d'Allah pourra retenir cette miséricorde pour moi, c'est-à-dire m'empêcher d'obtenir cette miséricorde d'Allah, si Allah a voulu que cette miséricorde me vienne? Dit قُلْ حَسْبِي اللَّهِ, c'est-à-dire dit Allah subhanahu wa ta'ala me suffit. C'est en lui que toute personne doit mettre sa confiance. Et يعني, le cheikh il dit فَهُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ هَذَا الْكَوْنِ وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ بِالرُّبُوبِيَّةِ فِيهِ لِلْخَلْقِ جَمِيعًا وَمَعَ ذَلِكَ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ حتى مع قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. C'est-à-dire, le cheikh il dit, donc il reconnaissait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui contrôle cet univers, hein, et c'est lui qui est le seigneur de toute créature, c'est lui qui contrôle toute créature et c'est lui le maître de tout. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos d'eux que ce sont des kuffars. Malgré qu'il disait, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Malgré qu'il disait ça, dans Surat Az-Zumar, Allah il mentionne à leur sujet qu'il disait, on adore seulement ces gens-là, ou ces choses-là, ces idoles, pour qu'elles nous rapprochent plus d'Allah. وَمَعَ قَوْلِهِمْ فِي التَّلْبِيَةِ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Malgré qu'il disait, nous venons vers toi, ô Allah, nous venons vers toi, nous venons vers toi, ô Allah, nous répondons à ton appel, excepté, tu n'as pas de partenaire, excepté un partenaire qui t'appartient et que tu possèdes, ainsi que tout ce qu'il possède lui-même. Donc c'est pour dire que malgré qu'il reconnaissait que Allah tout ce qu'il prenait comme intermédiaire entre eux et Allah, il savait que c'était une créature d'Allah et qu'elle n'avait pas de pouvoir en elle-même, mais que c'est Allah qui l'a créée. Malgré ça, le fait qu'il les adorait en dehors d'Allah et qu'il les prenait comme des intermédiaires, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant des mushrikoun, même s'ils croyaient en Allah, et qu'il croyait que c'était le créateur, et qu'il croyait que ces idoles-là étaient créées, et qu'elles n'avaient pas de pouvoir en elles-mêmes. Malgré tout, ils étaient considérés comme étant des mushrikoun. Et il les a décrits comme étant des kafiroun. Et il a dit qu'ils méritaient l'enfer éternel. Tout ça, c'est mentionné dans le Coran. Donc, si on a, le cheikh, il dit, مَعَ هَذَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَافِرُونَ وبأنهم يستحقون الخلود في النار. فإذا عرفت هذه الأمور وتبصرت في حال الناس اليوم, فهل تنفع الناس كلمة لا إله إلا الله بدون توحيد العبادة؟ فهل ينفعهم قولهم هذه الكلمة والحال أنه يصدر منهم أمور تنافي هذه الكلمة من صرف العبادة لغير الله؟ فسواء في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو في الأسماء والصفات, الجواب لا, ما تنفعهم كما لم ينفع الكفار توحيد الربوبية. Donc le cheikh il dit, donc si on réfléchit sur tout ce qu'on vient d'expliquer depuis le début et qu'on prend en considération, comme on a dit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les mushrikoun comme étant des mushrikines, malgré qu'ils reconnaissent l'existence d'Allah et que c'est lui le créateur et que c'est lui le maître unique de l'univers, et que ces idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah sont créées et qu'elles n'ont pas de pouvoir pour elles-mêmes ni pour les autres, et malgré tout ça, ils sont quand même décrits comme étant des mushrikoun, hein, parce qu'ils les adorent en dehors d'Allah et qu'ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah, et ils les décrivent quand même comme étant des koufars, et ils mentionnent à leur sujet qu'ils méritent l'enfer éternel. Donc si on a compris tout ça, tout ce qu'on a expliqué depuis le début, maintenant, et qu'on a bien compris tout ça, il faut se poser la question maintenant à propos de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de la part de certains individus aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là qui disent « La ilaha illallah » et qui adorent autre que Allah, qui adorent les morts et les tombes, est-ce que le fait de dire « La ilaha illallah » va leur servir à quelque chose ? Hein? Et le cheikh il dit, est-ce que ça va leur servir de dire la ilaha illallah alors qu'on voit d'eux des choses qui viennent en opposition avec le fait de dire la ilaha illallah, comme par exemple le fait d'offrir des actes d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que ce soit des contradictions avec le tawhid al-rububiyya ou bien avec tawhid al-uluhiyya ou bien avec tawhid al-asma al-sifat. Et le cheikh il répond à cette question-là en disant que non. C'est-à-dire que le fait qu'ils mentionnent la ilaha illallah, ça ne leur servira à rien s'ils ont ramené des contradictions avec la signification de la ilaha illallah, de la même manière que l'affirmation des mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tawhid al-rububiyya ne leur servait à rien. D'accord ? Donc, les musulmans aujourd'hui qui commettent le shirk et qui adorent des tombes et qui adorent autre que Allah, quand ils disent la ilaha illallah, ils le disent uniquement dans le sens de tawhid al-rububiyya. Pour eux, quand ils disent la ilaha illallah, ça signifie uniquement tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire Dieu existe, c'est le créateur, c'est lui le maître. Mais ça n'a pas pour eux le sens de tawhid al-ibada ou bien tawhid al-uluhiyya. C'est pour ça qu'ils continuent à associer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et à adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et à prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à cause de ça, ce shahada de la ilaha illallah n'aura ne sera d'aucune utilité pour eux au jour de la résurrection. C'est comme les ulama ont expliqué, par exemple, que c'est comme al-wudu, quand tu fais ton wudu, tu veux faire la salat, d'accord? Donc tu vas faire ton wudu et tu sais que le wudu il a des nawaqid, on dit en arabe des nawaqid. Nawaqid ça veut dire des choses qui annulent le wudu, hein? Donc parmi les nawaqid du wudu, par exemple, c'est lorsque tu vas aux toilettes, hein, tu urines ou bien tu fais tes besoins, ça annule ton wudu. Tu dois le refaire par la suite. Donc si quelqu'un a fait son wudu, là il est pur, il peut prier. Mais s'il va uriner, par exemple, son wudu est annulé. Donc il peut pas dire je vais aller faire la salat. S'il prie, après avoir uriné, sa salat sera batil, elle ne sera pas valable. La même chose pour quelqu'un qui dit la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle a des nawaqid aussi. Comme le wudu il a des nawaqid, la ilaha illallah il a des nawaqid aussi, il a des choses qui l'annulent. Donc si quelqu'un dit la ilaha illallah, qui signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis que par la suite il vient avec quelque chose qui annule la ilaha illallah, il fait des nawaqid de la ilaha illallah, eh bien son la ilaha illallah devient nul, batil, il ne sert plus à rien. Et on sait que la ilaha illallah, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Donc c'est pas normal que quelqu'un dise cette parole-là, puis que tout de suite après, il s'en aille adorer des statues ou des idoles, ou des tombes, ou des morts. Donc si quelqu'un dit la ilaha illallah, et qu'il adore d'autres que Allah, ça veut dire qu'il a ramené un naqid parmi les nawaqid de la ilaha illallah parmi les nawaqid de l'islam. Et donc, son témoignage de la ilaha illallah ne sert à rien tant qu'il n'a pas rejeté et cessé d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'il ne s'est pas repenti de ça. D'accord? Donc ça c'est ce que le cheikh explique jusqu'à maintenant. Puis dans les cours qui vont suivre, inshallah, le cheikh il va donner plus de clarifications à ce sujet-là, puis ramener des explications vraiment claires et détaillées, inshallah, pour que ce sujet-là soit bien compris, inshallah, et pour éliminer bien entendu toutes les ambiguïtés autour de cette question. Donc, inshallah, après l'Asr, bi'idhnillah, on va continuer le dars. Inshallah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum, mujazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.